Ceux qui ont choqué dans la pelle, c'est les polices de Québec. Ils m'ont mis en sacrement parce que ils ont mal agi. Mais tu le contenais bien en baptême, j'ai trouvé. Oui. Hey, mais, tu sais, à un moment donné, je rôdais sur le bord de la corde, là, puis il était tout à côté sur le 4x4, là. Il était, tu sais, il se promène tout en escalade, ou à peu près, là. Tout avec des chars de 70 000. L'air climatisé à côté au fond. Puis là, là, ça jasait, puis ça riait, puis il y en a un qui avait un pad, il prenait des notes. Les autres, tout à côté sur le gun. Puis là, là, j'avais envie de le lâcher un call. Puis là, hey, j'ai le marché le long du fil, là. Et 5 minutes comme faut. Là, un moment donné, Catherine Vielle, elle s'est approchée. Elle me dit, t'as donc bien maigri. C'est vrai. Elle trompait de gars. Hein? Elle t'a pas reconnu. Ouais, mais d'après moi, c'est sûr que, tu sais, je le dis souvent, mon poids, là, je suis pas gêné de le dire. Je pèse 300 livres, puis je l'assume. Mais il y a beaucoup de stylistes qui ont mis des efforts sur ma ligne de vêtements, et ça a donné des résultats. J'ai dit, non, j'ai juste changé de linge, là, puis là, à partir de ça arrive, c'était correct, t'sais. Mais, j'ai parlé un peu, puis j'ai dit, pourquoi vous allez pas, j'ai dit, pourquoi vous mettez pas les mêmes efforts pour aller trouver qui a fait l'appel? Il était 15 polices à se pogner le cul. 15, bien plus que 15. OK, vous voulez qu'on se prenne au sérieux? Parfait. On évacue, on fouille. Les autres, là, le même nombre de policiers qui viennent pour inspecter le centre d'achat, le marché aux puces, dont on sait où il n'y a pas de bon. Puis vous allez voir mon autre raisonnement après. Faites-moi penser à ce que contient un marché aux puces. Donc, on fouille le marché aux puces, mais j'espère qu'au moment même, il y avait une police de Québec qui était partie avec les flashs allumés chez Bell, ou chez TELUS, ou je sais pas qui, pour retracer l'appel, puis que, hey, retracer l'appel, là, si la police de Québec sont pas capables de faire ça, c'est des taouins. Puis là, les gars, je me suis toujours bien entendu, puis je m'adresse pas aux simples policiers, ils prennent pas de décision. Il était 3-4 chefs à côté sur le 4x4, là, à se compter des jokes de Newfie, là. Ben, c'est vous autres, les décideurs de samedi matin, samedi, là, 4. Le 4 mai. C'est à vous autres, là, les superviseurs, les décideurs que je m'adresse. Qu'est-ce que vous avez fait pour retracer l'appel? Ça en est rendu où, ça, cette affaire-là? Veux-tu t'en compte une bonne? Ouais. Quand on est revenu cette semaine pour travailler, tout ça, j'ai dit, bon, ben, on va appeler Catherine Vielle, on va essayer d'avoir un peu de jus d'information, parce que, tu sais, en plus, ça donne qu'on a un élément de comparaison assez récent avec un autre corps de police à Lévis. Oui. Fait que là, j'appelle la police de Québec, la provenance de l'appel, l'avez-vous? Ah, oh, c'est élément d'enquête, on peut pas dire ça, puis on peut pas rien dire, hey, c'est sérieux, là, puis on peut pas rien... Je dis, c'est parce que ça a pris même pas 4 heures à Lévis, on savait que ça venait d'une boîte de téléphone. Puis on avait une description d'une jeune fille de 14 ans, savoir s'il y a du monde qui avait vu de quoi. Puis l'enquête était lancée, puis on savait un peu plus où qu'on s'en allait. Ah non, là, il y a du monde à la police de Québec qui ont dormi au gaz, qui méritent des coups de pied au cul, façon de parler, là. Ils méritent d'être secoués dans leur travail, assis dans des bureaux, à se compter des jokes de Newfie. Ça suffit. Tu sais, celle-là qui conduisait le 4x4, là, le GMC noir, là. Ouais. Ce GMC noir-là, fantôme, appelons-le de même, là. Lui, là, il devait être le premier véhicule fantôme à débarquer à l'endroit d'où l'appel venait. OK? Si c'était une boîte téléphonique, parce que je comprends que c'est un débile qui a fait ça, ou une débile, je sais pas, là. Mais c'est sûr que peut-être pas assez débile pour le faire du téléphone de la maison chez eux. Hein? Fait que peut-être d'une cabine téléphonique. Êtes-vous débarqué avec la même vitesse, la même énergie pour trouver d'où provenait l'appel puis qui était autour de là? Rien. C'est des maudits jaunes, puis c'est des bariens. Moi, là, les décideurs à la police de Québec qui avaient agi samedi matin, ben, vous devriez avoir honte de votre job. Vous êtes pourris dans la sécurité du monde. Vous êtes pourris dans le sérieux que vous mettez dans votre travail. Vous êtes rentrés au marché aux puces, Jean Talon, hein, tout avec vos côtes de chef puis vos galons sur les épaules, gang de BS de la police. Vous êtes rentrés là, puis vous venez me dire à moi, à 11h30, OK, je suis un chien de la police et je vous dis que tout est sécuritaire. Va donc chier! Comment t'as fait pour... Hey, y a-tu une seule boîte au marché aux puces Jean Talon qui est pas louche? Sérieusement, là, t'as marché aux puces. savez, c'est pas méchant, c'est pas péjoratif. Peut-être que les boîtes de dildo neuf au septième ciel, on n'a pas besoin de toutes les ouvrir. OK? C'est un seul projectile. Mais dans les autres boutiques, y a-tu une seule boîte qui est pas louche? Les avez-vous toutes ouvertes une par une, ma gang de trou de cul? Non, hein? Ben, c'est pour ça que je vous méprise. Puis quand vous me parlez de sécurité, ben, vous êtes des menteurs. Parce que la sécurité, là, c'est d'arrêter le trou de cul qui a fait l'appel. Puis ça, là, ben, vous avez trop la chienne. Vous vous promenez avec vos chemises par balles? OK? Pourquoi? Pour impressionner les filles, là? Pourquoi faire, là? Hein? Puis ça, là, c'est pas les... Là, écoutez-moi bien, là, la gang des raisins, là. Je m'adresse pas aux patrouilleurs. Tu sais, il y avait de... Même qu'il y avait deux ou trois patrouilleurs féminins qui étaient là pour la circulation. Okay. Ils ont fait leur job. C'est pas eux autres qui décident de fermer les rues, puis c'est les décideurs. Les décideurs, là. Les ceux qui se promènent en 4x4, là, fantômes ou non. Puis qui, avec le veste par balle, puis la chemise blanche, puis là, nous autres, on a du galon. Ben, vous êtes des menteurs. Parce que vous avez rien fait pour trouver c'était qui, c'était quoi. Hey! Ça fait combien de temps de ça, là? Ça fait... C'est samedi, puis on est jeudi, là. C'est samedi. Ça fait bon. cinq jours. Puis, on a rien. Hey! Ah, vous allez dire, ouais, mais c'est pas notre cas le plus important. Excusez-moi, vous avez jamais une partie de la ville de Québec. Vous avez vidé un commerce. Hey, c'est une de le... C'est les grosses journées. C'est 10 000 visiteurs, au total. Puis, vous laissez interrompre ça. Aïe, si on ferait un appel à la bombe dans le mariage d'un de ces bariens-là, à son mariage, on appelle à l'hôtel, puis on fait un appel à la bombe, on évacue l'hôtel, on y scrape son mariage. Je te jure qu'on trouverait d'où vient l'appel. Je te le jure qu'on trouverait c'est qui. Ah, oh, mais là, aïe, un beau samedi de mai, au soleil. Ah, oh, ben, c'est-tu assez plaisant? Hein, il se faisait tout bronzer, ça crousait toutes les petites madames sur le bord. Wow! Moi, j'en reviens tout simplement pas. Ah là, ah, pour mettre des rubans jaunes, par exemple, pour sécuriser la scène. Fuck off! Sécuriser. Là, ils vont me dire, ouais, mais on a promené le chien. Hey, le chien, il a dû sortir de là. Non, mais, tu sais, c'était correct qu'il check s'il y avait une bombe ou pas, là. C'est correct. Il y a un appel à la bombe. On va checker s'il y en a une, là. On peut pas les envoyer chier tout pour ça, là. Bon, ils ont checké s'il y avait une bombe. Ben, moi, j'aurais pas checké, mais je suis capable de comprendre. Non, mais c'est ça qu'il fallait qu'ils fassent, là. Oui. Toi, t'aurais pas checké, mais là, il y a la sécurité des gens. Tu sais, si jamais ça saute, ou je sais que tu dis que ça arrive jamais, mais mettons que là, ça arrive, puis que personne n'avait regardé s'il y avait une bombe, ça aurait aucun sens, tu comprends? C'est sûr qu'il faut qu'ils regardent s'il y a une bombe. Ben, je m'excuse, mais il y a eu des appels à la bombe dernièrement où on m'a demandé de fermer ma gueule parce qu'on n'a pas évacué. Puis où il y avait pas mal de monde. Mais ils ont-tu regardé quand même? Ben oui, ben oui. Mais moi, ça fait longtemps que je dis, par exemple, dans une école. OK? Je dis pas que c'est ça, mais je dis pas que c'est pas ça. Je dis que c'est arrivé dernièrement où on n'a pas évacué. Parce que, je vous rappelle, que même au niveau d'une école qui est une institution publique, c'est le directeur d'école qui décide s'il évacue ou pas. Dans un commerce, si je décide de pas évacuer puis de pas fermer ma business puis de priver tout ce monde-là de revenus, j'ai le droit. Mais les policiers vont quand même inspecter les lieux. Dernièrement, il y a eu un appel à la bombe quelque part, puis ils n'ont pas évacué. Parce que c'était la voix d'un enfant, puis ça avait pas de bon sens. OK, là, c'est pas la police qui avait reçu l'appel. C'était pas la voix d'un enfant, mais est-ce que seulement la voix... Donc, si c'est la voix d'un enfant en bas de 14 ans, c'est pas sérieux, puis si c'est la voix de quelqu'un d'en haut, ben c'est sérieux. Ben, c'est ridicule, comme... Mais là, comme samedi, là, au Chopus, le propriétaire a choisi d'évacuer. Oui, c'est son choix... Lui, il était shaké de ça. Ben, je comprends donc. Moi, je le serais, en tout cas, là. Mais, moi, c'est parce que, après 10 appels à la bombe en ligne, là, il va arrêter d'être shaké. Ben puis oui, il va Steph, se dire... mais là, c'est la première fois que ça arrivait de sa vie. Ouais, mais c'est la première fois à lui, mais si, il s'assoit, puis là, il y repense, s'il y en a un autre, s'il y en a un, là, parce que, ils vivent de leur week-end, hey, c'est une marée humaine qui ouais, va là sais, la fin de semaine. Ouais, c'est noir de monde, t'as bien raison. S'il y a un appel à la bombe à toi et samedi, là, il va peut-être cette année. Évidemment, Steph, évidemment. Bon. Mais là, c'était la première fois, sauf que parallèlement à ça, je comprends pas pourquoi ils cherchent pas. Il devait avoir autant de monde qui cherchait s'il y avait une bombe que d'où provenait l'appel. Puis même s'il est pas sérieux, le petit sacrement, là, ben c'est lui qu'il faut qu'il aille la leçon. T'sais. Exact. Puis souvenez-vous que le prof de Jonquière, puis j'en parlais avec Mal sur le trottoir, le prof de Jonquière qui a placé l'appel à la bombe du cégep devant des caméras de sécurité, ouais. Il est chez eux, il n'y a rien. Puis tu sais, c'est pas puni. Ah, ça veut dire le procès va être en 2018, tellement la justice québécoise fait pitié. Mais là... on sait rien, il se passera rien, puis c'est pas plus grave que ça, puis ça va être une petite tapette ses doigts, pendant que, bon, un cégep, c'est sûr qu'un cégep, c'est inutile à l'année, fait que c'est peut-être pas grave, mais il y a du monde qui a perdu des revenus, puis moi, là, ça change tout quelque chose. Je vais vous dire que là, on est en train de fixer une nouvelle date, là, puis là, Sylvain, on n'a pas pu se croiser aujourd'hui, donc je vais l'annoncer demain, mais savez-vous qu'est-ce qui va arriver? Quoi? On va ramasser plus d'argent, parce que suite à l'annulation, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un email que j'ai pas retrouvé, là, mais il y a quelqu'un qui m'a écrit, dit, hey, j'aimerais ça donner de quoi pour les puces à Dupont. Mais go! Puis même, il y a des cadeaux qu'on a reçus samedi. J'étais déçu pour, il y a un gars, que je rencontre un gars, je veux pas dire pourquoi il était venu parce que c'est un des prix qui a de la valeur. Puis lui, là, il connaît ça, ce domaine-là, puis il voulait ça, là. Il s'était mis son cadran le samedi matin, il s'est levé à 6 heures. Il était à 7 heures, il était au marché au Pêche Jean Talon, dans la porte. Il voulait ça, lui. OK? Puis là, il est venu me parler après. Il dit, ouais, j'ai dit, tu sais, ils nous ont demandé autant que possible. Là, c'est sécuritaire ou ça l'est pas, là, tu sais. En tout cas, garde, c'était reporté. Puis là, il y avait plus de monde, à part les employés. Puis, tu sais, ça a dû être un samedi ultra pourri, là. Ah, c'est sûr que oui. C'est sûr, sûr, sûr que oui, là. Fait que je trouve, mettons les mêmes efforts à trouver les bariens qui font ça que qui mettent la police de Québec. Je les vis, ils sont pas de même. Mais mettons les mêmes efforts à trouver qui a fait cet appel à la bombe frauduleux, comme c'est toujours. T'es en 2013, là. Oui. Que de donner un show à télé, avec vos uniformes, avec votre sourire, puis vos jokes plates. C'était le party autour des trucks, ça c'était une honte. Ben ça, là, c'est pas les patrouilleurs, là. C'était les pseudo-brillants de la police de Québec qui ont agi de même. Puis là, on appelle, bon, non, élément d'enquête, élément d'enquête. Batince. Hey, quand ça te prend 8 semaines à trouver qui a fait un appel là, à la bombe, t'es pas mal sérieux comme corps de police. Ah, mais on a des dossiers beaucoup plus prioritaires. Ah oui, un meurtre? Quand il y a eu un meurtre à Québec? Non, mais même s'il y avait eu un meurtre à Québec, là, c'est de retracer un appel, là, me semble, que c'est pas mer à boire. Là. Non. Puis tu te débarrasses de ça, puis ça aurait dû être réglé la journée même.